Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denver. On va parler de la Ligue canadienne de football et des Alouettes de Montréal avec notre ami Pascal Masson, notre collaborateur. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, écoute, l'année 2019 avait commencé de façon très très négative. Évidemment, Kevis Reed est encore le directeur général et Mike Sherman l'entraîneur-chef et il n'y avait pas tellement de positifs. Je me rappelle les entrevues, là, c'était pas très positif. Ben, c'était le copier-coller de l'année précédente. Ouais. C'était encore des décisions douteuses, des actions causées par ces deux personnes-là qui nous remettaient tout le temps à se dire « Oh non, une autre année d'enfer ». Donc effectivement, ça commençait pas bien l'année, Dan. Ah ouais, effectivement. Il est arrivé par la suite au camp d'entraînement. Il est arrivé à trois jours du début de la saison. Mike Sherman a été, de toute façon, ça semble comme un accord, mais ça ressemble de plus en plus à un congédiement. A été limogé. C'est Kerry Jones qui a pris ça par intérim. Et là, dès le début, on a vu vraiment le changement qui s'est opéré. Ben là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à voir un peu plus la façade, pas qu'on en doutait, là, mais on a commencé à mettre de l'avant Kevis Reed et de la façon qu'il tentait de gérer l'équipe. Donc lui, là, Kevis Reed, il avait un coach un peu plus, un peu moins aux aguets. Donc il profitait de ça pour vraiment là, gérer l'équipe comme lui le veut bien. Et là, la seconde qu'on a mis Kerry Jones, on a commencé à voir que finalement, il y a une difficulté au niveau de la direction générale, mais il y avait une difficulté majeure au niveau du locker room, hein, du vestiaire. Et puis là, on a commencé à voir une structure s'installer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, Kerry Jones, comme coordinateur de l'attaque, avait clairement pas carte blanche par rapport à comment gérer son attaque. En fait, on parle juste de l'attaque. Ça veut dire que probablement, Sherman faisait la même affaire avec la défense, avec l'attaque, avec l'unité spéciale. Tout ça fonctionnait pas. Une fois qu'on enlève cette espèce de mainmise-là, ouais, là, on a commencé à voir ce que Kerry Jones pouvait faire. OK. Et là, est arrivé le congédiement, je pense que c'est une semaine ou deux après, je pense, Kevis Reed, pour des raisons qu'on disait hors de... Comment des raisons un peu bizarres. Ça n'a jamais été élucidé, cette histoire-là, hein? Ben écoute, on a entendu parler. Ouais, des rumeurs de. Des rumeurs de ce que Kevin Street avait fait par rapport à des billets d'avion, par rapport à la façon de payer des joueurs qui n'étaient pas sur l'alignement, même sur l'alignement de pratique. Donc, il se serait fait prendre sur un côté plus administratif, financier. Et puis, non, ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été mis. Disons, ça n'a pas été éclairé, cette position-là, mais on a clairement compris de notre côté qu'il y avait des choses qui se faisaient qui n'étaient pas très, très catholiques. Mais rappelle-toi, Pascal, on était tellement contents qu'il parte, peu importe la raison. La raison, on s'en foutait de la raison, c'est qu'il parte. C'était ça le principal. Là. C'est, peu importe la raison, mais ça, on disait que c'était pas pour des raisons de football, mais. Mais là, on a vu, quand Kevin Street est parti, on a vu vraiment là une optimiste. Kerry Jones est arrivé, puis on a vu une optimiste du côté des partisans. Ça faisait longtemps que les gens réclamaient un nouveau directeur général, puis on disait pour des raisons financières que c'était pas possible. Mais là, l'optimisme est arrivé, et ce qu'on a vu chez les Alouettes, c'était vraiment de bon augure. D'abord, on a eu un carrière. Vernon Adams, c'est probablement le meilleur depuis, c'est le meilleur depuis Anthony Calvillo. Et tu sais, on commençait l'année avec Anthony Pitkin, ça a pas été un grand succès encore une fois. Donc, après l'échec de Johnny Manziel aussi, on l'avait limogé, ça c'est une affaire que j'avais oublié. Mais là, Vernon Adams, dès qu'il a pris les commandes de l'équipe, on a vu un homme complètement mature, qui avait changé d'attitude. Ben en fait, tu sais, Dan, tu sais, Vernon Adams, il a eu les commandes de cette équipe-là auparavant. Ouais. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment le comportement de l'équipe au complet, dont Vernon Adams changé une fois que Gary Jones, lui, a eu les commandes de l'équipe. Et je pense que c'est vraiment là que le changement a été frappant. C'est tellement. Parce que quand tu regardes ça, Gary Jones, il n'a pas changé l'équipe. Non. Il n'a pas amené des nouveaux joueurs. Il n'a pas amené un nouveau porteur de ballon. Il n'a pas amené une nouvelle ligne à l'attaque. Hey, on se souvient dans les premières semaines, là, on disait la ligne à l'attaque des Alouettes, ça fait dur, c'est difficile. On ne t'offre pas l'année. La défensive est ici. T'sais, on avait beaucoup de commentaires négatifs envers l'équipe. Mm. Pourtant, on a eu quand même les mêmes joueurs, en gros, qui jouaient pour la même équipe. Mais pas avec le même commandant, celui qui était Curry Jones. Puis c'est vraiment lui qui a été en mesure de mettre en valeur la force de tous et chacun. Puis c'est ce qu'un bon gestionnaire va être en mesure de faire dans une entreprise, dans une équipe sportive. C'est qu'il va être capable de mettre ses joueurs, ses individus, en position de force et dans des combats qui sont en mesure de mener. Et puis c'est là qu'on a vu vraiment le changement. Puis Vernon Adams, là, il s'est mis en confiance petit à petit. Et l'équipe en soi, là, l'équipe en général, ont commencé à avoir confiance envers leur corps arrière, envers leur ligne à l'attaque, envers leur dirigeant qui est Curry Jones. Et on tirait de l'arrière. Combien de fois on tirait de l'arrière puis on venait? Ça, là, c'est des moments, c'est des étincelles qui finissent par faire des feux. C'est ça qui est arrivé avec les Alouettes. Mais tu dis ça, mais il n'y a pas eu de changement de joueur, il n'y a pas eu de changement d'entraîneur et suite. Juste le fait que tu arrives avec des entraîneurs, puis ça on en a parlé souvent, des entraîneurs qui connaissent le football canadien, qui regardent pas de haut le football canadien, puis qui connaissent toutes les petites subtilités du football aussi, ça peut faire toute la différence. Là. Et on a vu une équipe beaucoup mieux préparée là, aussi. Là. Oui, puis moi je pense que t'as le mot le plus important dans ce que tu viens de dire, c'est préparer. Parce que André Bolduc faisait partie de cette unité d'entraîneurs-là. OK? On avait Mike Donovan aussi qui faisait partie de cette équipe d'entraîneurs-là. Et c'est drôle, hein? Parce que l'année passée, puis au début de la saison, on disait les unités spéciales, c'est catastrophique chez les Alouettes. Et tout d'un coup, on est devenu une unité spéciale qui se défend bien, même qui est en mesure de donner des belles positions de terrain, de faire des bons retours, des retours de toucher que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Pourtant, on a le même coach. André Bolduc a eu beaucoup plus de place, il a eu son mot à dire dans la planification. Et ça l'a aidé, Curry Jones. Fait que ça, là, c'est une question vraiment à l'interne, comme entraîneur. Lorsque tu te sens à l'aise avec ton entraîneur-chef, tu es en mesure de dire ton opinion et de l'appuyer, lui également, dans dans ses prises de décision. Okay. Et c'est vraiment ça, moi, je pense, qui a changé chez les Alouettes. Moi, je me rappelle d'un match contre les Bombers de Winnipeg. C'était au mois d'août, je pense, au mois d'août septembre. Les Alouettes qui tiraient de l'arrière, tu te rappelles de la fin de match, est incroyable. Ouais. Ouais. Et ils nous en ont fait vivre des beaux moments cette année, les Alouettes. Et pratiquement jusqu'à la toute fin, ils se sont battus toujours. Ça a été leur marque de commerce. Et puis, on a de quoi être fier de ce qui s'est passé. Parce que moi, pour la santé de ce sport-là, le sport que j'aime le plus au monde, ça part par l'équipe professionnelle de notre région, de notre province. Et tant que les Alouettes étaient catastrophiques comme ils l'étaient depuis les dernières années, ben, ça fait mal en dessous, même si on a des universités québécoises qui se défendent bien et qui paraissent bien sur la plateforme nationale. Et après ça, les niveaux collégiaux sont, tu sais, ça part par les Alouettes. Puis moi, là, j'étais tellement ravi de voir ça en fin de saison, là, de vivre une année comme ça. Oui. Ils ont été éliminés par les Eskimos d'Edmonton, les Eskimos qui avaient traversé dans l'Ouest, dans l'Est, effectivement. Et quelle performance de Mike Riley! L'ancien d'Ottawa, là. Trevor Harris, excuse-moi. Mike Riley est à Vancouver. Trevor Harris était superbe, Pascal. Je pense que c'était 22 Harris, en 22 à un moment donné. Trevor Harris, j'ai répété le même nom, mais Mike Riley aurait fait la même affaire qu'ils exposent dans la première demi de Trevor Harris. Je pense qu'il avait lancé tout près de 300 verges en une demi, pratiquement. Là. C'était effectivement. Est-ce que t'es là, Pascal? Tout un match de sa part. Ouais. Tout un match des receveurs de passe également. Un bon plan de match de l'équipe de Moss. Ouais. Jason Moss qui a été congédié par la suite. Cette journée-là. Okay. On a tenté de faire un retour également encore en deuxième demi. Ouais. Mais ça l'a pas. Ça t'a surpris, Pascal, que Jason Moss ait été congédié. Ben, ça m'a surpris. Voyons. Ben, effectivement, j'ai eu une certaine surprise, Dan, quand j'ai vu le congédiement de Jason Moss. L'affaire, c'est que Jason Moss, au niveau de ses performances, est en mesure de bien préparer son équipe et tout ça. Mais on le connaît, c'est un coach super émotif et super explosif. Donc, il est peut-être arrivé quelques événements à l'interne qu'on ne connaît pas. Moi, c'est là que je me suis dit, il est peut-être arrivé quelque chose. Pour ça qu'on on s'est dit qu'il était mieux de séparer nos chemins. Parce qu'au niveau football, ben, Jason Moss, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des belles choses sur le terrain. Il a amené une équipe qui avait des difficultés. Il les a emmenés loin, 2 ans de suite quand même. Surtout que, tu sais, c'est pas une ligue qui est facile. Non. Des entraîneurs, il en pleut pas. Ben, là, Scott Milanovic qui revient dans les Canadiennes, hein, ben ça, ils sont, tout le monde savait que... Écoute, au moment où on enregistre le podcast et la diffusion, il y a un délai, mais tout le monde savait que Doug Marrone allait perdre son emploi avec Jacksonville. Milanovic qui était là... l'adjoint de Marrone, donc pas surprenant. Puis je pense qu'il peut mettre les Eskimos, qu'il peut amener les Eskimos parce qu'il a eu du succès avec les Argonauts de Toronto, Milanovic. Ben oui, Milanovic qui était lorsque je jouais avec les Alouettes, c'était coach de carrière. Ouais. C'était un homme de peu de mots, mais une belle tête de foot, puis quelqu'un qui savait se faire respecter, puis toute l'expérience qu'il a gagnée justement avec les Argonauts. Lui, tu sais, c'est un des soldats de Mark Trestman, hein? Je suis pas surpris de le voir revenir. Puis il y a une chance qu'il remplace Pavlanovic parce que j'étais un peu inquiet. Mais c'est peut-être la raison pourquoi aussi on était confiants de congédier de Jason Moss. On le savait qu'on pouvait mettre la main sur un bon coach. Donc, on a parlé des Alouettes. 2019 a été une année très décevante à Ottawa avec le Rouge et Noir. C'était très décevant. C'est probablement la pire année du Rouge et Noir depuis qu'ils sont revenus dans les Canadiens. C'est la pire année. C'était terrible. Puis moi, c'est la gestion de ce club-là. Pourtant, Marcel Desjardins est excellent. Marcel Desjardins, c'est un bon directeur général. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ben, je l'ai rarement vu s'enfarger, mais moi, je trouve que Marcel Desjardins s'est enfargé durant la saison morte. Avec la perte de plusieurs bons joueurs, on a perdu notre jeu au sol, on a perdu notre menace verticale avec Spencer, on a perdu la combinaison d'Ellingson et Trevor Harris. On a tout perdu offensivement. je sais pas, l'évaluation, peut-être l'évaluation des joueurs qu'elle a remplacés, ces joueurs-là, a été peut-être surévaluée du côté de la direction générale. Moi, je pense que l'entraîneur-chef a ses torts dans ce dossier-là, mais pas au complet. Et je pense que le gros du morceau pour moi vient au niveau de la direction générale durant la saison morte. Mm. Et puis, ils ont beaucoup de ménage à faire. Il y a beaucoup de travail à faire aussi qui s'en vient. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette concession-là. L'année 2019 a été une année charnière pour les Bombers de Winnipeg également. Ils ont remporté la Coupe Grey contre les Tiger Cats d'Hamilton. Moi, ça m'a surpris grandement. Une agréable surprise parce qu'on va voir la Coupe Grey de l'Boom qui s'est signée avec Shane Gauthier en passant. Mais écoute, Pascal, est-ce que les Bombers, les Tiger Cats sont pensés que c'était la meilleure équipe? Ils dominaient dans l'Est, c'était incroyable, Dwayne Evans et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que moi, depuis que je suis la Ligue canadienne de football, l'Ouest a toujours été beaucoup plus fort que l'Est. Et est-ce que ça veut dire que l'Est, encore une fois, il y a du travail à faire? Parce que les Bombers de Winnipeg, ils ont atteint le pic en fin de saison. Ils sont allés battre Calgary à Calgary. Ils sont allés battre les Riders en Saskatchewan. Deux matchs hostiles. M'a dit en affaire, ils l'ont pas volé la Coupe Grey. Là. Ben, en fait, c'est une belle Coupe Grey, bien méritée par une équipe qui a travaillé fort tout au long de la saison, qui a démontré beaucoup de résilience parce qu'on a perdu nos corps arrière, 1, 2, etc. Ouais. On est allé chercher Carl Rose en fin de saison. Carl Rose aussi, c'est une belle histoire, là, cette carrière-là, tout ce qu'il a vécu. Mais cependant, l'Est, l'Ouest, je suis d'accord par le fait que souvent, on a vu que les équipes de l'Ouest dominaient plus sur l'équipe de l'Est, mais en ce moment, il y a juste une équipe qui peut se péter les bretelles d'avoir gagné le dernier match de saison. Puis c'est les Blue Bombers. Donc toutes les autres équipes de la Ligue doivent retourner au travail. Puis doivent faire ce qu'il faut pour être une équipe qui va être en mesure de compétitionner pour la coupe Grey. Et puis du côté d'Hamilton, moi je pense qu'on avait clairement une meilleure équipe. La meilleure équipe cette année. Et on n'a pas fini en force. On n'a pas fait ce qu'il fallait à la fin de la saison pour gagner, mais ça ne veut pas dire que c'est une moins bonne équipe, par contre. Mm. Je pense que Winnipeg avait une très bonne équipe également, mais qu'on a joué avec tellement de momentum, là. On a profité de chaque occasion, on joue avec de la confiance, donc c'est la meilleure équipe qui jouait sur le terrain qui a gagné. Là. Ok, Pascal, tu permets, on va faire une pause et on revient dans quelques instants. On va parler de qu'est-ce que tu t'attends en 2020. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Pascal Masson. C'est la rétrospective dans les Canadiens de football sur les ondes de danadosport.com. En cette période du temps des fêtes, le moment est venu de se rappeler des gens qui font notre succès. Les entreprises Rodrigue Piquette aimeraient remercier sa distinguée clientèle qui les a encouragés pendant la dernière année. Paix, bonheur et surtout santé, c'est ce que vous souhaite le personnel et la direction des entreprises Rodrigue Piquette du 410 8e avenue d'Olbeau-Mistassini. 418-276-2275. Ici, directeur général de la maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes. L'équipe de Gagnon Hébert, Arpenteur, Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, d'Olbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Boréale. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! « Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. On est de retour à danradiosport.com avec Pascal Masson. Pascal, l'année, au moment où on enregistre le podcast, les Alouettes n'ont toujours pas été vendues. Beaucoup de rumeurs, mais rien de concret, puis on entend beaucoup de choses. Est-ce que ça t'inquiète? Ben, ça m'inquiète quand même, parce que moi, hein? on dirait qu'on est en train encore une fois de faire le chemin à l'envers du cheminement. Techniquement, qu'on est supposé de faire. Donc, on engage notre entraîneur-chef, on va engager le DG, puis après ça, le propriétaire. C'est pas supposé être le contraire. Habituellement, dans le sport, un propriétaire qui engage un DG, qui engage un entraîneur-chef. Donc, on se retrouve dans une position où le DG, puis moi, j'aime Carey Jones, puis je pense qu'on a un bon entraîneur-chef, on fallait mettre la main sur ce gars-là. Sauf que le directeur général, là, qui est en train de se faire recruter en ce moment, on lui dit garde, viens directeur général chez nous. Sauf que oui, on a engagé déjà un entraîneur-chef pour toi. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des bons directeurs généraux qui vont dire non. Pour justement, par question, que les autres ils veulent diriger l'équipe et ils veulent une équipe qui va leur ressembler. Donc, c'est clairement effrayant pour moi de ce côté-là. Ryan Rigmaiden, c'était l'homme des Alouettes, le directeur du recrutement des Bombers. Lui, il a rejeté l'offre. Est-ce que tu penses à un lien? Ou c'est toute l'histoire de l'instabilité encore? Parce que même si l'équipe va bien sur le terrain, il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité actuellement. Est-ce que Rock Maiden, c'est ça qui est arrivé, d'après toi? Pascal? Ça n'a pas changé. Ouais, ben, c'est un peu mon... Écoute, j'ai pas de certitude, mais c'est un peu mon feeling, là, que c'est, ça ressemble à ça, je trouve, t'sais. Ouais, que Rick Maiden a refusé que continue de la vente. Il y a beaucoup de gros d'épines d'Amoclès. Donc, on va suivre ça d'après. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer en 2020. Mais chose certaine, il faut que ça se règle. Là. Les Falinka étaient là-dedans. Moi, je comprends pas qu'on n'a pas donné le Éric Lapointe, ton chum, ne semble pas du tout être dans les bonnes grâces de Randy Ambrosi. Pourtant, il y a plein d'affaires. C'est un Québécois. Il savait, tu sais, c'est un gars solide, là. Pascal? C'est un gars super solide, il a peut-être parlé fort, puis ouais, ça a peut-être fait peur à du monde, je sais pas. Oui? Ça a peut-être fait peur du monde. Pascal, un gros merci. Oui, je t'entends bien. On va laisser ça parce que justement, on a des problèmes de technique. Pascal, un gros merci pour ta collaboration, fort appréciée encore en saison 2019. Et joyeuse fête, puis on se reparle en 2020 avec peut-être en début d'année l'annonce de la vente. Ça va se faire à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire, c'est sûr. C'est bon, mais merci à toi, Dan, puis merci à tous ceux qui écoutent Dan Sport. Merci beaucoup. Pascal Masson, le collaborateur des Alouettes de Montréal.